L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une nouvelle méthode de mesure pourrait permettre d'élucider enfin le mystère de la raie X à 3,55 keV qui est observée dans de nombreuses galaxies et attribuée par certains astrophysiciens à la présence de particules de matière noire. Il fallait y penser, et c'est Eric Speckhard du Center for Cosmology and Astroparticle Physics de l'Université de l'Ohio et son équipe qui y ont pensé. Comment savoir si cette raie d'émission X mystérieuse à 3,55 keV est produite par du gaz galactique fortement ionisé, donc relativement classique, ou bien par la désintégration de particules de matière noire, exotique? Eh bien, les vitesses de ces deux composantes au sein d'une galaxie sont différentes. Et qui dit vitesse d'une source de rayonnement électromagnétique, quel que soit le domaine de longueur d'onde, dit effet Doppler ou décalage spectral. Une source de rayonnement qui s'éloigne produit un rayonnement qui se retrouve, pour l'observateur, décalé vers le rouge, les grandes longueurs d'onde ou basses énergies. Et inversement, lorsqu'elle se rapproche, cette dernière est décalée vers les plus petites longueurs d'onde. Dans une galaxie, le gaz interstellaire, comme toutes les étoiles, est en rotation dans le même sens autour du centre de la galaxie. Le Soleil étant situé à environ un tiers du rayon visible de la galaxie et tournant avec l'ensemble, lorsque l'on observe différentes directions de la galaxie, on voit donc des décalages spectraux différents. Vers le rouge pour la zone située devant le Soleil dans sa course galactique et vers le bleu pour la zone qui est située derrière lui. Je vous renvoie vers le petit schéma que j'ai fabriqué et que vous pouvez voir donc sur le billet du blog. Pour ce qui concerne les particules de matière noire, il en est tout autrement. Les modèles généralement admis décrivant la matière noire font état de la présence d'un vaste halo quasi-sphérique peuplé de particules massives dans lequel baignent les étoiles et le gaz de la galaxie. La direction de ces particules est aléatoire. On peut se représenter un tel halo comme une sorte de bulle de gaz où chaque particule est en orbite autour du centre du halo, mais avec chacune une direction différente. Donc, vu d'ici, après soustraction de la vitesse du Soleil et de celle de la Terre autour du Soleil, la vitesse moyenne observée de ces particules devrait être nulle, car on devrait en voir autant s'éloigner de nous que s'en approcher. Si ces particules se désintègrent en émettant un photon X de 3,55 keV, la longueur d'onde que nous devrions observer devrait alors être décalée uniquement à cause de la vitesse relative du Soleil par rapport au centre de la galaxie. Le fait important ici, c'est que ces longueurs d'onde ou ces énergies, rappelons que l'énergie est égale à hc sur lambda, émises par des particules de matière noire se désintégrant, auraient au final un décalage spectral différent en fonction de la zone de la galaxie observée, cette différence étant inverse de celle observable dans le cas du gaz. Décalé vers le bleu quand on regarde vers l'avant, entre guillemets, du Soleil, et décalé vers le rouge quand on regarde vers l'arrière. C'est toute l'idée de Eric Speckhard. Pour savoir si la raie à 355 keV observée par les télescopes Chandra X-ray Observatory et XMM Newton est due à une émission de gaz, il suffit de l'observer dans des directions différentes, vers l'avant du Soleil et vers l'arrière. Si les photons sont légèrement plus « rouges », entre guillemets, c'est-à-dire moins énergétiques, vers l'avant du Soleil que vers l'arrière, il s'agit de gaz. Si on observe le contraire, on tient de la matière noire. Cela peut paraître simple sur le papier, mais lorsqu'il s'agit de faire ces mesures, c'est évidemment un peu plus compliqué. D'après les valeurs typiques de vitesse qui existent dans la galaxie, les auteurs calculent que les décalages spectraux en question ne devraient pas dépasser 0,1%, soit environ 4 électronvolts, en termes de décalage en énergie. Or, aujourd'hui, aucun télescope à rayon X ne peut résoudre une si faible différence énergétique. Aujourd'hui, non. Mais demain, oui. Enfin, disons, dans quelques jours, oui. Effectivement, les meilleurs télescopes X aujourd'hui en orbite, Chandra, XMM Newton, Suzaku, Moon, NuSTAR, n'atteignent pas la performance requise. Mais ils vont être rejoints en orbite et très vite supplantés par le tout nouveau télescope X japonais nommé Astro H, dont le lancement est prévu le 12 février. Et Astro H est muni d'un spectromètre pour les X mou qui peut atteindre une résolution en énergie de quelques électronvolts pour des rayons X de quelques keV. Eric Speckhard et ses collègues ont fait le calcul. En exploitant une exposition de 23 jours dans chaque direction galactique intéressante, l'effet sur la raie à 3,55 keV devrait être observé. Cette nouvelle méthode, qu'on peut appeler de la spectroscopie de vitesse, pourrait ainsi se révéler extrêmement puissante dans le cadre de la recherche indirecte de matière noire. Même si finalement l'arrêt à 3,55 keV se révèle avoir une origine gazeuse, la méthode restera un outil tout à fait pertinent pour discriminer un signal de matière noire d'un autre signal astrophysique plus classique. Et si l'arrêt à 3,55 keV se trouve avoir une origine de particules de matière noire, cette méthode de spectroscopie de vitesse, en étant encore améliorée par des détecteurs toujours plus performants en résolution, pourrait permettre d'explorer en détail la structure spatiale et dynamique de la matière noire dans la galaxie, voire dans d'autres galaxies. La matière noire ne serait alors plus noire. L'article de Eric Speckhard et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, numéro 116, en date du 22 janvier 2016. Il a pour titre Dark Matter Velocity Spectroscopy, tout simplement. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr où vous pouvez évidemment retrouver des illustrations associées à ce billet, notamment ce petit schéma que je me suis fait plaisir à fabriquer moi-même avec une belle photo de M101 pour figurer notre galaxie, hein, bah oui. Hein. Et voilà, il y a également une photo, une image d'artiste de Astro H, ce magnifique télescope. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et surtout les pieds sur Terre. Allez, salut !